Sandy, j'aime ça droit dans ton bikini. Ton petit bikini rayé, celui qui tient les seins serrés. Sandy en bikini, tu me fais bander. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis situé là-bas. Comment faire? Comment pénétrer ton atmosphère? Sandy, ta beauté n'est pas humaine. Tu fais circuler le sang trop vite dans mes veines. S'il faut ramper pour aller jusqu'à toi, ça vaut la peine, Sandy. Mais je ne peux pas voir, je ne peux pas. Je suis ici, tu n'es pas là. Comment faire? Je ne sais pas. Comment faire plier l'univers? Sandy, oh Sandy, oh Sandy. Samedi de vous dire bonjour. Samedi de vous dire bonjour, madame, mademoiselle, messieurs. Et bienvenue à Errance Rénaldienne. Moi, ça, ça me le dit, là. Et puis, même si on est vendredi. Oui, mais on est, savez-vous qu'on était vendredi? Ben oui, vendredi. On n'est pas samedi, là. Ben, vous êtes, chronologiquement, dans l'ordre, vous, là? Jean-Charles, c'est dans le désordre, ce bonhomme-là, là. Fais-moi sortir ça d'ici. Ça commence déjà dans la turbulence des plus gastronomiques. Ah, deux poulets, s'il vous plaît. Non, pas de poulet ici, non. On veut pas d'armes. Ah, bon, pas ces poulets-là. C'est poulet, c'est pas ce qu'on veut. C'est quoi que vous voulez, quoi? On veut la tranquillité, oui. L'abondance. Oh, la corne d'abondance. La corne qui déborde. Ah! On veut que ce soit samedi. Mais là, c'est vendredi. Ah, ça passe vite. Ben, hey, ça, avez-vous senti, là? L'émission avant moi, là, c'était jeudi. Là, il y a des annonces, il y a quelque chose qui se passe, là, qui nous transfère au vendredi. Vous avez rien senti? Ben, moi, j'ai eu mal à la courbature, hein? Ben, vous avez toujours... Attendez, vous avez toujours mal, vous? Jamais mal, vous, hein? Avez-vous mal? Jamais mal. Est-ce que vous réfléchissez des fois, vous? Ça réfléchit pas, ça. Réponse de même, là, ça réfléchit pas beaucoup. Faut pas non plus, hein. Parce que sinon, ça va se révolter. Réfléchir égale révolte. Parce qu'on comprend des affaires. Des affaires qu'on doit pas apprécier. Que l'on doit pas inclure dans notre société. Mais lui, ça dérange pas. Écoute bien ça. Lui, ça le dérange pas. Ah ouais. Bravo! Ben, il est heureux d'être heureux. Êtes-vous heureux, vous? Bravo! Allez-y, bravo! Bon. Une autre émission des Rances Rénaldiennes. Êtes-vous content, vous? Bravo! Ben oui! Jusqu'à 2h du matin? Non, 4h du matin. Êtes-vous content, 4h du matin? Bravo! Ben oui, là, les gens de CKRL sont en train de s'arracher les cheveux sur la tête. Oh, mon... Ils disent pas 4 heures d'errance rénaldienne, c'est déjà beaucoup d'eux, là. On a demandé 2 minutes, il nous a fait 2 heures. Ben ouais, je suis pas dans le 2 minutes du peuple, moi, là. Je suis pas capable de faire 2 minutes, pas capable. Pas capable de grand-chose. Non, je suis un incapable. Ah, oh, je suis un incapable, très capable. Capable de quoi? Ben, de couper. De couper quoi? De couper dans le gras? Oh, mon. Coupe-moi ça dans le gras, mon Jean-Marc. Quand je coupe, là, il reste plus grand-chose. Ben oui, mais enlève le gras, il reste plus rien. Ah, oh. Alors, on vit dans le gras. Ah, c'est grassement payé, ce gars-là. C'est du bénévolat. Ben, c'est du bénévolat grassement payé. OK. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, yeah! Ah, c'est bravo. Excusez-moi, j'ai dit yé. Moi, je suis dans le yé. T'es pas dans le bravo. OK, bravo, un, deux, trois. Bravo! On demandera à tout le monde ici, là, Madame Tremblay, Thibodeau, Ticu Baudouin avec sa sublime épouse, Babouin de Sibérie. Elle est belle, ton épouse. Ouais, je l'ai achetée en Sibérie. Comment ça, acheter? Non, je l'ai épousée. Comment ça, tu dis acheter? Ben oui, j'ai acheté sa bague de fiançailles. Ouais, mais t'as dit acheter? Ben oui, sa bague de fiançailles. Puis elle, ben je l'ai pas achetée. OK. Parce que là, vous avez dit, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le rire, non. OK, c'est secret. Bon, on va garder ça secret. Monsieur le Président, il faut toujours garder ça dans des voûtes. C'est comme l'émission Voûtes enchantées. C'est pas les voûtes, c'est les routes enchantées. Ah, quel le dimanche. Moi, ça me rend tellement brillant, cette émission-là. C'est assez KRL, hein, les routes enchantées. Je connais personne là-dedans. C'est pas de la publicité gratuite, là. Ils m'ont pas payé non plus, là. Mais ça me plaît. Je veux pas non plus taquiner toutes tes autres émissions, là. Personnellement, là, c'est mon bouillon de culture, c'est mon Bernard Pivot, là. Ouais, mais c'est animé, il y a des femmes là-dedans, je sais qu'il y a des femmes. C'est des Bernard Pivot. Oh! Des Bernard Pivot, oui, ça pivote beaucoup plus vite que le pivot, ça. Ah, des Bernard, ça... Puis des Bernard... Oh, je connais des Bernard qui tournent. Ah, moi aussi, hein? T'en connais-tu? Oui, bravo! Bravo! Bon, OK. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, est-ce qu'on voit une petite... Parce que là, c'est filmé, si on voit la petite... Non, on voit pas. Parce que j'ai eu comme un souffle dans ce souffle-là. Ah, raconte pas ta vie, OK. Quoique ça intéresse moi-même, ben voilà, c'est ça. Chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, nous marcherons ensemble. Oh, hey, je peux-tu faire du kayak? Non, non, on va marcher. Ah, c'est déjà défriché ce chemin-là. Ben, c'est... Non, on s'imagine que, mais ça repousse. Ah, c'est vrai, hein? Quand je me rase, ça repousse. Ça m'énerve. Il faudrait que je me mette de l'électroblise. Puis si je me mets de l'électroblise, on m'a dit que ça peut faire mal. Pas au visage, non, au portefeuille. Ah, ben oui. Ben, écoute, s'il n'y a pas de pression, hein, une pression oblige. Oh, mon Dieu, hey, tu l'as cherché loin, mais je savais pas comment l'amener, celle-là, oblige. Êtes-vous obligé de le dire? Ah, je suis obligé. Ah, je m'oblige régulièrement à des choses que je devrais pas faire, comme pêcher dans ma toilette. Pêcher dans ta toilette? Dans ma toilette, je pêche. Tu pêches quoi? Des gros menés. Oh, mon, l'absurde aventure de l'errance rénale. Tu manges pas ça après? Ah, ça dépend. Je fais manger ça à mes voisins. Oh! L'absurde aventure de l'air. Bon appétit à tous! Non, mais il y en a qui doivent manger à cette heure-là, là, minuit, là. C'est pas juste un moment chrétien. Ben, quoique, minuit chrétien, c'est pas le temps. Ça s'en vient. La petite froideur, là, qui nous ramène le sapin de Noël, les boules. Ah, pas les boules. Les boules à cette heure-là, les boules. Ah, les boules. On a les boules à cette heure-là. Ah. Hein? C'est vrai. Sentez-vous, Mme Turbi, est-ce qu'on a des boules? Oui. Ah oui, hein? Vous avez la boule à la gorge, vous aussi, hein? Oui. Ah oui, vous êtes enrhumé un peu? Oui. Ben, c'est l'automne, c'est pour ça, hein? Oui. Ben oui. L'absurde aventure de l'errance rénale. Couvrez-vous, madame. Couvrez-vous. Ça va passer pendant l'émission, là, vous allez voir. J'ai une recette, hein, je vous la dirai. On la commence aujourd'hui. Ben, on le maintenant, parce que madame, elle va y goûter. Voulez-vous y goûter, madame? Non. Goûtez-y, madame. Non, vous allez y goûter, OK? C'est une goutte d'espoir. On prend ça, l'espoir. Ah, ben ça, c'est dans des typos. Il y a des typos d'espoir, il y a des typos de volonté, puis il y a des typos... Ah, mais ça, c'est des typos de charme. Des typos de charme, oui, dans le fond de la gorge, là. Ça redonne une voix charmante. Deux gouttes de charme. Ah! Il me semble que c'est un peu fort. Ben oui. C'est très concentré, ça, là, le charme. Regardez-moi. Vous, le charme... Vous les hommes, vous attirez-vous des hommes, vous les femmes, adorables. Hey, ça, c'est du charme. Oh, nous marcherons ensemble. Voulez-vous marcher? Non. Vous kayakerez ensemble? Non. Vous nagerez. Vous nagerez ensemble dans des... Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, écoute, si je dis, vous naviguerez ensemble, nous défricherons. Ça, on ne peut pas défricher puis naviguer. Il faut marcher. Il faut que ça soit sur le sol. Ah, bon, le sol... Oui, le sol. Mineur? Ah, toujours mineur. Parce que c'est la voix un peu plus... Parce que majeur, c'est... Brrr, mineur. Donc, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. C'était crypti. Ah, c'était crypti. Ah! Aujourd'hui, le vendredi 4 novembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous et c'est notre dernière rencontre avec... Mon ami artiste, Charles Berberian. Ah, tu l'as nommé avant? Ben oui, les gens le savent. Là. C'est pas des... Ah, c'est vrai, ils sont assidus. Ben voilà. Êtes-vous assidus, vous? Ben moi, je suis assidu. Oui. Oui, vous êtes assidus, madame? Vous êtes assidus, vous? Oui. Bon, merci. C'est plaisant d'avoir un public transféré, qui se trans... Hein? Ils se mettent ça au neutre rapidement. Êtes-vous prête? Oui. OK. Moi aussi. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes. Oh, on est contacté. Allô, madame. Êtes-vous ensemble? Non, êtes-vous enceinte? Êtes-vous. En parlant d'enceinte. Les acoustiques sont branchées. Oui, les enceintes acoustiques, non. Non, pas ce genre d'acoustique-là. Imaginez-vous que moi, je travaille auprès d'une clientèle un peu underground, même très underground. Et il y a quelques semaines, il y a une prostituée qui est venue me voir et qui était heureuse de m'annoncer qu'elle était enceinte. Elle qui n'a pas arrêté les speeds. Elle qui n'a pas arrêté l'alcool. J'ai pas hâte de voir l'enfant à la sortie. Là, ce qui serait intéressant, là, c'est qu'on se demande que des médecins ou, je sais pas, des intervenants. Ça, c'est un beau mot, intervenant. Intervenez, les intervenants. Est-ce qu'on doit laisser ce fœtus-là se rendre à terme? Belle question, hein? 4 mois, la dame, là. Elle continue à faire son travail, elle continue à galérer, elle était dans un état assez comateux lorsque je l'ai vue. Et effectivement, j'ai remarqué qu'elle était enceinte. C'est triste pour l'enfant. Enfin, c'est une société, on a la société qu'on mérite. Aujourd'hui, le vendredi 4 novembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes. C'est comme si cet enfant-là naissait avec une trentaine de boissons énergisantes derrière le gorgoton. Et le lait qu'il boira sera avec de... Comment t'appelles ça? C'est pas de l'aspartame? Non, t'as peur, on va regarder. T'as-tu une bouteille de boisson énergisante? Non, j'en ai pas, mais je vais lire sa canette. La canette de quoi? La canette de l'oubli. OK. Oh, c'est écrit petit, ça. Là. Oh là là là là là. Tellement petit que je peux pas. Et pourtant, il y a beaucoup de lumière ici. Mais toi, t'es pas une lumière, c'est vrai. Boisson énergisante, drink... Normalement, ils l'écrivent en gros. Hein? Ben oui. Ben c'est ça, c'est de la il y a de la caféine là-dedans et tout ça. Bon, bref. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Hey, vous pouvez m'écrire, hein? Oh, mon dieu. Ça intéresse le public. Merci. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercial.com. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous. C'est quoi le lien avec... Ben oui, mais écrivez-moi. Si vous posez des questions sur l'émission, si vous vous en posez pas, si vous rigolez, si vous êtes attristé, si vous êtes... Je suis régulièrement, très régulièrement, en manteau. Comme je dis à ma colocataire, je pense donc t'essuie. Ah, elle aime ça. Ah, moi laver, là. Laver, ça va bien ça, venez, t'essuie, t'es tout ramolli. Ça donne des doigts très, très moelleux. Ben oui. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du dessinateur moelleux, ben oui. Et de bande dessinée, Charles Berberian, c'est comme quand tu prends ton bain. Hey, tu restes 2 heures dans le bain, t'es tout plissé. Là, tu commences à dire, oh, dans le temps. T'es tellement plissé, tu dis ça. Dans le temps. Né le 28 mai 1959 à Bagdad. Oh, c'était des attaques. Oh, mon Dieu. Irakien. Il passe sa jeunesse au Liban, puis entame des études d'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il rencontre François Avril. Puis, en 1983, c'est la rencontre avec Philippe Dupuis et le début de la collaboration toujours vivante ensemble sous le nom de Dupuis-Berberian. Ils publieront plus de 25 albums et de nombreux travaux d'illustration. Charles Berberian est aussi attiré par la musique. Il est avec son ami Jean-Claude Denis et forme un groupe extrêmement intéressant. Il est le frère Charles Berberian du cinéaste Alain Berberian. Avec Philippe Dupuis, Charles Berberian est récompensé en 2009 pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême à l'occasion de la 35e édition du Festival international de la bande dessinée. Je peux-tu la faire? Oui. Quand je pense à... En juillet dernier, Errance Rénaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cet artiste brillant et talentueux. Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Monsieur, est-ce que c'est le temps, madame? Est-ce qu'il faut? Oui. OK, oui, on y va. Alors, place à l'émotion, place à la musique. One. Eh oui. Two, man. OK, two. One, two, three, four. One, two. One, two, three.

parfois ton âme désespère. Quand les hommes t'ont humilié, lance une prière à l'univers entier. Où que tu sois, je te rejoindrai. Mississippi Delta was shining like a national guitar. I'm following the river down the highway through the cradle of the Civil War. And I'm going to Graceland, to Graceland, from Memphis, Tennessee, and I'm going to Graceland. Poor boys, pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old, the child of my first marriage. I've reason to believe we both will be received in Graceland. Chicago. comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she pressed her hair from her forehead. She said, losing love is like a window in your heart, and everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys, pilgrims, and families, we are going to Graceland. My traveling companions are ghosts and empty sockets, looking at ghosts and empty. I've reason to believe we are near and seem to Graceland. There's a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, oh, this is what she means. She means we are bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. And everybody sees you're blown. Everybody feels the wind blow. Into Graceland, into Graceland. I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I'm a reason to believe we all will be received in Graceland. I'm going to Ça coupe. Ça coupe en aiguille. Ah, mon Dieu. Ça tricote serré, très serré. Il tricote serré, et le but! Là, ici, maintenant, hey, 3-0, le tour de la chapote. Non, c'est le tour de la calotte. Le tour de la calotte. Ah, la calotte me fronde aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais le tour de la calotte. Oh! Il y a la mouche noire ce soir, comment? La mouche noire, ce soir. La mouche noire dans un glissement d'aile. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil « Contes et nouvelles ». Les gens qui ont connu ça, hein? Il n'y en a pas qui ont connu ça. Ils ont... Non, c'était le seul à avoir connu ça. Ben voyons. Ben oui, t'es le seul. Je suis seul et je ne veux penser qu'à toi. Quand le soleil des bonjour aux montagnes. C'est pas ça du tout. Quand la montagne dit bonjour au cheval, il s'en seul et restera jusqu'à la fin des jours. C'est pas du tout ça. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, Madame Tremblay, elle va pleurer, elle pleure tout le temps quand je chante ça. Quand le... Je chante pas, je gueule et je... Quand le... Elle redis-le pas. Quand le... Je sais plus, là, tu m'as fait perdre l'horizon. OK. Enlève ta calotte. Oh, je vois mieux, là. Oh, quand le soleil dit bonjour. Je me sens comme Charles Trenet. Aux montagnes et que la vie rencontre le jour. Je me sens avec mes rêves sur la montagne. Merci beaucoup. Une voix me appelle toujours. Merci beaucoup. Que j'en parle. Si vous n'avez pas les paroles, c'est comme ça que vous faites, OK? Que j'en parle. Pas besoin d'avoir les paroles. Quand j'en parle. Tu te recules du micro quand tu sais pas parler. C'est comme les chansons en anglais. Je connais pas un traître mot de l'anglais, là, mais quand je chante My Way, c'est la seule chanson que je connais en anglais à peu près. Là. Il faut que tu susurres. Plus tu susurres, plus c'est sûr que les gens vont te croire. Ben oui, c'est, ben voyons. Example. Oh non. Pas encore. And now... And it's new. And so I... Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin d'abord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. On entre. En dessous de Pierrette, je veux rentrer. Je vois du monde en arrière. Oui. Sa caméra, ah oh mon, ça fait peur. Ben voyons donc, t'as peur de tout. J'ai peur de tout, j'ai peur de rien. Du matin qui se vend le nez, qui se gratte dans le tourbillon, qui se trouve là. Oh, on l'a déjà fait, ça là, c'est tellement... Oh, on le fait, oui. On l'a déjà eu, mais c'est pas grave. Vicky était une fille correcte. Mais on avait nos problèmes. Comme tous les couples. Qui a pas de problème dans une vie de couple? Moi. OK, toi, comment ça, t'as pas de problème? Ben parce que Rita m'aime. Rita m'aime. Tu restes avec Rita depuis combien de temps? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Ben, parce qu'on reste ensemble, on s'aime bien. Pourquoi vous vous aimez? Ben, parce que je fais des bons crotons. Oui. Puis elle aime bien mes beaux crotons. OK. Elle aime bien vos beaux crotons. Excusez. Vous avez des beaux crotons? J'ai des très beaux crotons. Montrez-moi donc vos crotons. Ah, ben là... Dans l'intimité, oh! Qu'est-ce que c'est que des crétons pour vous, madame, monsieur? Non, je suis un monsieur. Oui, monsieur, excusez-moi, je me trompe de sexe régulièrement. Oui, vous êtes ambidex. Je suis très ambidex, moi. Masculine, féminine, ding, ding, ding, ding, ricochet babite, là. Oh, non, c'est gris. C'est ricochet babite. Ricochet babite. Il y a la babite de la babine. Oh, monsieur, êtes-vous comme ça, vous? Ah, mais pardon, qu'est-ce que vous dites, vous? Pourquoi quoi? On ne sait pas pourquoi qui. Pourquoi ricochet babite? Parce qu'il babite. Plus il babite, plus il va vite, plus il va vite, plus on le perd, plus on le perd, plus on comprend pas, plus on comprend pas, plus c'est normal. La normalité vient de l'incompréhension, donc c'est totalement compréhensible. Pas incompréhensible, mais compréhensible à cette émission. Errance rénaldienne, c'est ça? C'est très ça. C'est très ça dans le bas. Dans le bas. De la bas de mots. Le bas de mots. Ben, le bas de mots de laine. Le bas de mots de laine, oui. C'est chaud le bas de laine. Ah, c'est vrai. Mais le bas de mots. Ah. C'est en fourrure. Ah, en fourrure intensif. Très intensif. Il n'y a pas un morceau de peau là-dedans. C'est juste du beau velours. Là. C'est doux comme du velours. Là. Tu sens-tu le velours? Ben, ça sent quoi le velours? Ben, ça sent le velours. C'est un velours de sentir ça. Ah, le nez est heureux. Ben, ça dépend. Ici, il y a de la poussière. Là, il n'est pas très heureux. Il va éternuer. Ah, c'est régulièrement. Puis quand ça éternue, ah, c'est des reflux gastriques. Oh! C'est comme des reflux gastriques, là. C'est « Ah, mon man, vous voulez danser la gastrique. » T'as-tu la... Oui. « La gastrique, oui, madame, je voudrais danser. La gastrique va commencer. Oui, monsieur, je voudrais danser. La gastrique, la gastrique. » Pourquoi? Ben, on va danser la gastrique, madame. On va vous montrer ça. La gastrique en ligne. Tout le monde en ligne? Oh, mon Dieu. Vous, pas vous, vous, pas vous, vous, pas vous, vous, pas vous. OK. Moi, pas moi, moi, pas moi, moi, pas moi, moi, pas moi. Tout le monde ensemble? OK, on y va. La danse en ligne de la gastrique. Oui, monsieur, je voudrais danser. Tournez en rond, vous. En rond vers le carré, OK? La bastingue, c'est quoi? Non, c'est carrément ça, oui. La bastingue, monsieur, tournez dans le... sur vous-même. De haut en bas. Oui, comme une sphère. La terre tourne. Tournez comme la terre, vous. Vous n'êtes pas capable de monter en l'air, voyons donc. Comme l'hélium, la balloune. Faites une balloune. Soufflez dans la balloune. Balloune, balloune, balloune, balloune, balloune. Vous êtes balèze? Vous êtes une... Vous êtes fier, vous, hein? Mongol. Fier. Bon. Hé. Y'a pas... Oui, mais... Oui, mais Vicky... C'est ça. Suivez Vicky. Vicky, elle monte. Elle monte de beauté. Elle monte d'extravagance. Elle monte de savoir. Elle monte bien des choses. Bien des êtres. Bien des hommes. Bien des femmes aussi. Elle monte régulièrement. Elle est dans l'ascension, elle est dans, en haut de la hiérarchie de la féminité. Sur la cime, il y a Vicky. Et juste en bas, il y a Ève. Oh mon Dieu! Ève et Vicky. Ève et Vicky. Ève et Vicky. Tu connais Ève et Vicky? Ben, je connais Ève et Vicky. Vicky, non. Vicky, oui. Vicky, non. Vicky, oui. Vicky, non. Ève, oui. Vicky, non. Oh! Si je te dis que Ève, non, Vicky, oui, non, Vicky, non, Vicky, non, bon, OK. Fâche-toi pas, je suis pas fâché, je suis comme dans l'éruption de ma colère. Oh, ben c'est ça, t'es fâché, l'éruption de la colère. Je suis comme le volcan, volcanique. Ah, j'ai jamais vu un volcan en dehors de sa volcanité. Oh! Hey, un volcan en dehors de sa volcanité. Je suis sûr qu'il y a des censeurs, là, des gens de l'Office de la langue française qui cherchent dans les dictionnaires. Ah ben putain, la volcanité, volcanité. Cherche des... Thierry! Ben, je cherche volcanité. Attendez, vulcan, c'est québécois, ça. C'est quoi? Tabarnak! Calice! Non, vulcanité, excusez-moi. Non, ça c'est vulgarité, excusez. Nous faisons de la vulgarité. Non, on vulgarise. Vulcanité, ça n'existe pas, c'est québécois, c'est comme Poutine. Vulcanité Poutine. Là, c'est entre guillemets. La guillemette, ah, la guillemette me fait mal, oh mon Dieu. Regardez-moi, j'ai l'arcade sourcilière, puis en haut de l'arcade, c'est quoi? C'est la guillemette. J'ai la guillemette qui pend. Ah, ça y est donc. C'est comme une tranche de peau. Si je l'arrache, là, il n'y a plus de guillemette. Fait que les gens ne comprennent pas. Tous mes textes, moi, c'est entre guillemettes. Deux guillemettes, madame. Pas de brou. J'en pète assez de même. Avec la sauce au poids, la semaine dernière, c'était la sauce au poids. Maintenant, c'est la méchamel. Oh, la méchamel. Oh, la méchamel. Oh! Alors, Vicky de la méchamel. Vicky me dit à l'oreille que le titre de Charles Bukowski était Trois Poulets.

Pourquoi tu dis oui pour aller chercher la feuille? Oh! C'est très normal. C'est très normal. Oui! Encore avec toi. Cette semaine! Ça sent bon. Et ça, jusqu'à l'épuisement du concept. Dis pas ce qui se passe dans ta vie pendant les... Non, non. On écoute la musique, puis on pleure. Oh! Puis on danse aussi. On danse souvent. Oh! Cette semaine, pas là-dessus. Oui, là-dessus, on a chanté, puis on a dansé. On s'est collé, on s'est racollé, on s'est tourlouté. Oh, allô? Madame, ça va? Attendez, sonne. Ça va? Pourquoi, quoi? Cette semaine, on sait pas pourquoi. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie! Êtes-vous fâché, monsieur? Non. Aujourd'hui, plaçons en garde de vue le mot ou le verbe. On ne sait même pas quel mot ou quel verbe. On tourne la page. Mais... On tourne. Et je regarde. Aborder. Moi, quand je suis trop insistant lorsque j'aborde, il me semble que je déborde. Je déborde de trop de présence. Je suis comme un collant. Un autocollant. C'est, je m'imprime, puis j'aborde, puis un velcro. Je me colle. Avec la langue. Colle la langue. C'est pour ça que les gens ont peur. Ils disent c'est un prédateur. Mais non, c'est pas un prédateur, là. C'est un homme absorbé par. Partout. Il était absorbé partout. Par là, par ici, par là-bas, partout. Il était absorbé partout. C'est comme mur à mur, là. L'absorption mur à mur. On l'appelle l'éponge. Oh mon Dieu, ça c'est pas un beau mot. Ben non, mais quoique oui. Quoique l'éponge est une matière intéressante. C'est vivant, une éponge. Oui, c'est vrai, c'est vivant. C'est assez vivant, moi. Oui, l'éponge. Merci, madame. Vous m'appelez l'éponge. L'éponge. Est-ce qu'on peut oublier ça? Oui, on va éponger notre... Oui, OK. Vous êtes bien gentil. Merci. Pouvez-vous éponger davantage? D'accord, on y va de haut en bas. Non, de large en pis. De large en pis. Et comment ça, de large en pis? Prends-tu pour une vache? Non, ben oui. Souvent, je trouve. Ben, enfin, je voulais pas non plus, là, mais vous me le dites, là, puis plus vous me le dites, plus. Plus vous me le dites, plus je vous vois, et plus c'est vrai. Plus je vous regarde, et plus je prends garde, garde à moi. Vous dites des mots. Vous dites des mots. Vous dites les mots, toujours les mêmes. Vous dites toujours. Vous dites parfois. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas une structure, quand même, sur des assises en béton. Ben non, c'est... C'est quelque chose comme l'éponge. Ben oui, lâche l'éponge, là. Ben oui, mais je peux pas lécher l'éponge. Ben oui, je peux. Est-ce que je peux lécher l'éponge? Ben, Jésus l'a léché, puis sais-tu ce qu'il y avait au bout de l'éponge? Il y avait du vinaigre. Ah, oh, mon... Le vinaigre lui montait au nez. Puis l'éponge aussi, parce que c'était au bout de la perche, hein. Fait qu'il voyait bien que ça montait, puis... Puis lui, il se dit, est-ce que c'est moi qui descends ou c'est elle qui monte? Puis, ben là, il s'est bien rendu compte que c'est elle qui montait parce qu'il y avait une tige émettrice. Oh! C'était pas de la radio, ça, là? Non, c'était pas de la radio. Quoi qu'il pensait, c'était un micro, là. Il y a un, deux, puis là, ça sentait le vinaigre. Voyons, je suis dans une radio commerciale, ça sent le vinaigre. Toutes les radios commerciales, ça sent le vinaigre, hein. Vous écoutez, oui, il est présentement, mesdames et messieurs. Presque une heure moins cinq, vous écoutez la radio commerciale qui vous rend aussi imbécile que sa station. Hey! C'est pour ça qu'on écoute la radio communautaire. Ça nous sauve de tout... au moins, ça préserve nos neurones. Ça les enjolive et ça les rend tellement plus brillantes. Ah oui, ça les polie. Ah, c'est très poli, ça. Ah. La radio communautaire, comme je le dis à toutes les personnes qui me demandent qu'est-ce que c'est KRL, j'ai dit c'est une radio du peuple, pour le peuple, faite par le peuple. Comment je dis ça? C'est pas ça de ma gueule. Non, c'est vrai, c'est bien mieux ce que ça peut. J'ai dit c'est KRL, c'est une radio faite par le peuple, pour le peuple. Pas une radio là, d'élitiste, là, vous écoutez ça, vous êtes branchés sur ça, l'énergie, ça part de la psychologie. Non. On est bien calme, là, nous autres, on se berce, on parle comme ça, puis on amène... Il y avait François Prépus qui faisait ça aussi, la radio communautaire. Il dans la francophonie, il est mondialement connu. Non, il est mongolement pas nu. Ah, il est pas nu mondialement. Ah oh, oui, monsieur, je vous dis. Il est absorbé par son art, lui. Ah, mon Dieu. Puis quand il l'aborde? Il l'aborde par le devant. Oh! Est-ce qu'on peut nommer des chanteurs qui l'abordent par le derrière? Ben oui. On peut pas, là. Mais on peut. Là. Non. On va se mettre dans le trouble. Là. Les gens vont écrire à RénalQuébec à commercial@gmail.com. Puis j'attends simplement des quoi? Des dénominateurs communs? Comme lesquels? Ben je sais pas. Comme qui? Comme quoi? Comment? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi? On le sait-tu? On sait pas, mais on veut bien avoir l'horizon ouvert à tout. Ah oui. Ah oui, je vous le dis. L'horizon ouvert à tout. À quoi? Ah oui. Ah oui, à tout, mais à quoi? Là, c'est là la question. Ah oui. Lâchez-moi là, oui, vous. C'est comme l'ambulance. Hein? Il y a des. Ben oui, les ambulances sont de même. Ah oui. Puis là, ça passe devant vous. Ah oui. Ça vous ridiculise, là. Vous êtes pressé, là. Vous avez une envie. Un envie pressant de dire à votre dulciné, je t'aime. Puis là, l'ambulance est là. Ah oui. Elle passe devant vous. Ah oui. Tu le sais, si tu le sais, va-t'en, moi. Il y a deux pompeux qui pompent, là, le gros fumeur qui boucane encore. Puis 3-4 cigarettes. L'ambulance. Oui, ben, monsieur. Ça devrait s'occuper juste des vrais malades. Comment ça? Un fumeur, c'est un vrai malade? Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. C'est pas ça que je voulais dire. Ben, c'est ça que tu as dit. Ben, jamais. Attends, monsieur. Ben, en plus, c'est Bebord. Paul Bebord. Ah, mon Dieu. Vous connaissez Paul Bebord? Non. Ben, il est sur le bord de s'annoncer, lui. Paul Bebord? Ben oui. Il est sur le bord d'absorber tout ce qui se passe ici, là. Il est prêt à nous livrer son génie. Il est prêt à nous divulguer sa connaissance. Il est ouvert à partager avec tous les errants et les errantes rénaldiennes son savoir universel. Hey, c'est beau, ça. Ben oui, c'est tellement beau là, qu'on va l'écouter. Ah! Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?

Oh, excusez, parce que c'était la sauce rénaldienne qui était en train de mijoter. Oh, ça va, ça. C'est sur la recette. Et puis, non, parce que je pensais pas qu'il y avait un micro, excusez-moi. Et je l'attends sur les remparts. Ça, c'est un endroit très, très, très, très, très connu à Québec, les remparts, là. Chloé arrive et on se présente à mon appart qui est à 30 secondes à pied. On monte l'escalier, je la fais entrer pour ne pas dire pénétrer et elle s'installe sur mon sofa. Là. Et j'avais amené ce qu'elle aimait comme boisson. C'était quoi? C'était un truc aux tomates, là. Jus de tomate et vodka. Comment ça s'appelle? Jus de tomate et vodka, justement. Et donc, j'avais préparé l'album et je lui disais comme ça, je lui dis, ben écoute, j'ai Berrurier Noir ici. Ben, j'ai dû enlever Charles Aznavour pour Berrurier Noir. Notre soirée s'est passée sur Berrurier Noir. Croyez-vous que ça s'est rendu à l'endroit où je voulais? L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. J'en rage encore. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Ah, vous voulez le Berrurier? Elle a eu Berrurier. J'étais noir. Oh, rouge plutôt, rouge et noir. Oh, en rouge et noir, c'est vide et sassin. Et irritant, faudra qu'il manque, il s'arrête. En rouge et noir. Oui, monsieur, bon, là, je pense ça. Le moment, c'était comme Julie, hein. Mâche les mots. En rouge et noir. Merci, arrête de mâcher. Je partais la peine. OK. Je voudrais pas qu'elle se moque de peine. Alors, le moment, qu'est-ce qu'elle a dit? On ne sait pas, elle est perdue dans l'espace. Est-elle perdue dans l'espace, monsieur? Ah oui! Oh, toujours, hein? Vous êtes perdu dans l'espace, monsieur? Ah oui! Le Québécois moyen est-il perdu dans l'espace? Ah oui! Il cherche son parti? Ah oui! Ah, trouvera-t-il son parti? Ah oui! Quel parti? Ah! Tout le monde cherche son parti au Québec. Son parti pris. Y a-t-il le parti pris au Québec, monsieur? Ben oui. Oh, celui de l'argent, hein? Ben oui. Oh, on le sait, là. Il vient de le dire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. L'argent et le parti pris. Est-ce que. On va lui demander. L'humanité fait-elle partie de cette stratégie mondiale, de ce. Comment dire? De ce fléau mondialiste? Ben oui. C'est épouvantable. Faudrait, on arrête l'émission. On vient d'apprendre vont-ils en parler dans les téléjournaux? Non, c'est pas au journaux, au journal, téléjournal. Non, c'est des journaux. Vont-ils en parler dans les journaux, monsieur? Ah oui! Demain, hein, c'est ça? Ah oui! Alors, si les gens s'achètent on le dira. Bon, le devoir, y aurait-il consonance de l'émission Errance rénaldienne? Ah oui! Alors, demain, samedi, le devoir. Charlie Hebdo, parlera-t-il d'errance rénaldienne en ce samedi? Ben oui. Ah, merci. Et puis, le journal belge? Ben oui. Le journal suisse? Ben oui. Bon, partout, dans toute la francophonie? Ben oui. Il semble qu'il relaxe, lui. Ah ouais. On dirait une vache qui traite sa vache. As-tu déjà vu ça, toi, une vache qui traite sa vache? Ah, ça fait mal. Ben non, ben ça dépend de la vache. Ben les deux vaches traitent les vaches. Oh, mon Dieu. Il saute au trait. Hey, monsieur. Il se paye la traite. Oh. Le moment... c'est bon, hein? Je comprends pas, mais c'est bon. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sentiers créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Lariane. Est-il Ariane? Oh mon vieux, mieux vaut Ariane que jamais. Mieux vaut Ariane que jamais. Alors, mettons de l'écho, s'il vous plaît. La dernière fois reste aussi imprimée à jamais. C'est pas juste ça, là. C'est la première fois reste imprimée. Non, la dernière fois reste aussi imprimée à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ça me fait... Si je lis ça rapidement, on dirait que c'est un auteur décompositeur interprète. Il décompose. Je vais essayer de mettre quelque chose là-dedans, là. OK? Je vais mettre mon petit grain de sel. La dernière fois reste aussi imprimée dans le firmament qu'une virgule à jamais oubliée. Au milieu de la nullité s'exhibe une immense béatitude, celle du chaos existentialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ce monument architectural. Comment? Architectural. Comment c'est architectural? Non, j'ai dit architectural. Non. Bobine? Oui, Bobine, êtes-vous là? Oui, je suis là, la Bobine. Non, pas... J'ai pas dit Babine, j'ai dit Bobine. Bobine n'est pas là. Babine est là, Babine est là. La Bobine n'est pas là, la Bobine n'est pas là. Babine est là, Babine est là. Maman, là! Il y a du monde. Non, il n'y a pas tant de monde. Il y a Babine? Oui. Il y a Babine? Oui. Il y a Babine? Oui, mais où est Bobine? Bobine n'est pas là, Bobine. Ben voyons donc, je veux pas parler à Babine. Ben si tu veux pas parler à Babine, ben parle-moi pas. Ben je te parle pas. Ben tu m'as dit Babine. Non, j'ai dit Bobine. Hey, ta Bobine, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Babine est là. Babine est là. Bobine n'est pas là. Bobine n'est pas là, Babine est là. Bon. C'est l'histoire de Babine sans Bobine qui se prélasse jusqu'au bout de l'extase. C'est la balade de Babine sans Bobine qui se prélasse tous les jours de la nuit. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Encore une fois au micro, et c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, t'as dit qu'au niveau.

que ce n'est plus qu'un système. Et sa police américaine. De mon meilleur, on ne parle plus. Tout juste sauver celui-là, celui-là. Et il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter. Allô, vous êtes là, madame? C'est terminé. Non, madame? Allô? Merci, monsieur. Madame? Allô, vous êtes là, madame? C'est terminé. Presque terminé, madame. Alors, si vous voulez verser quelques larmes, là, c'est le moment. Attendez, c'est le moment. Êtes-vous dans une condition pour brailler, là? C'est terminé. Non, mais non, pas encore, là. J'appelle le téléphone. Ah, oh, on peut pas appeler. Bon, oui, on a encore 3 minutes. J'appelle le téléphone pour ce moment numéro... Comment? 2 minutes. 3 minutes. Comme là. Comment? Isabelle, non. J'appelle le téléphone pour ce numéro d'improvisation. Utilisons la source de communication inventée par M. Graham Bell. Entrons en relation auditive avec quelqu'un ou quelque chose qui nous dévoilera peut-être la face cachée de sa personnalité. Là, à cet instant, rejoignons le cadre. Oh mon Dieu! Le cadre. Ouais. Le cadre. Monsieur ou madame, vous êtes le cadre. Êtes-vous supérieur? Ouais. OK, vous êtes supérieur à tout? Ouais. OK, vous connaissez tout de ce qui est dans le tout? Le tout dans le trou, vous le savez, vous? Ouais. OK, la vie, la connaissance, la mort... La vie avant la mort et surtout le trépas, le dernier pas avant ce qui nous arrivera entre vous et moi. Vous le connaissez, vous? Oui. OK, parce que vous êtes un cadre, là. Oui. Êtes-vous castré ou encastré, vous? Sans doute encastré, hein? Oui. Mais quoi que castré serait similaire pour vous, mon cher? Oui. Vous êtes un cher ou mon cher? Oui. OK, vous êtes trop cher. Oui. Vous pendouillez de ridicule... Ah, comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je voulais dire qu'il pendait de... vers le ridicule. Non, c'est pas ça que tu voulais. Non. En fait, je cherchais quelque chose de brillant qui pourrait amener quelque chose comme... Arrêtez le quelque chose. Vous êtes dans le quelque chose, vous? Oui. Le quelque chose du tout dans le tout. Oui. Sans le trou. Avec un trou? Oui. Vous aimez les trous? Oui. Vous êtes un trou? Oui. Vous êtes dans le trou? Oui. Bon. On vient de connaître le cadre. Et le cadre aime bien le trou. Le trou noir, hein? Oui. Ou le trou brun? Le trou brun ou le trou noir? Oui. Attendez, allez, arrêtez de dire « ouin », là. Selon ce que vous me faites pressentir de votre personnalité, sans doute que le trou brun vous sied davantage. Ouais. Vous aimez le trou brun, là. Ouais. Vous êtes un trou brun, là. Ouais. Plus c'est brun, plus c'est vous, là. Hein? Ouais. Vous êtes dans le cadre brun, là. Hein? Ouais. Comme tous les cadres. Hein? Ouais. Ben, bravo. Alors, c'était Errance Rénaldienne. Merci au cadre de savoir, de s'être bruni comme Carla. Et puis, monsieur! Et on se retrouve la semaine prochaine. Là, je suis même pas certain de la fin. On verra. Vous pouvez danser, Madame Tremblay, c'est le temps. Bopping all over the floor, do a bop, crazy legs, do a bop. She's my baby and I don't mean that. She's mine, mine, mine, all mine. Well, I'm crazy about crazy legs and crazy legs are crazy about me. Well, I'm crazy about crazy legs and crazy legs are crazy about me. Well, she's my baby and I don't mean that. She's mine, mine, mine, all mine. Jump! She hears the music, well, it gets in the feet. Well, now then she starts a-rockin' with a crazy beat. She does a different kind of rhythm with every song. Well, that's why they call her Crazy Legs, cause she's real gone. Crazy legs, a-boppin' all over the floor. Do-de-bop, crazy legs, do-de-bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine, all mine. Jump, man, jump! She can bop, she can boogie, she can move and jump with a style that's her own. Just give her lots of room and a rock and roll too. And she'll do the bop till the cows come home. Crazy legs, bopping all over the floor. Do the bop, crazy legs, do the bop. She's my baby and I don't mean maybe. She's mine, mine, mine, all mine. Et puis à un moment j'ai eu envie de, pendant une chanson, j'ai eu, eu envie de pousser des hurlements. Ok, et c'est ce que t'as fait. Et ça a surpris les autres parce que j'avais jamais fait ça, j'avais eu envie de faire ça. Ouais. Et là ils n'ont pas pensé de bloquer le micro Là, je trouve que le cri a des fonctions. Ouais, ouais. Primitive. Ouais, le cri primal ou je sais pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas de la colère, c'est un trop plein d'énergie ou un trop plein de stress ou un trop plein qui finit par être évacué par un cri. Par un cri. Et je pense que les musiciens qui sont hyper bruyants sur scène ont cette particularité d'être très très calme dans la vie, tous les jours. Heureusement qu'il faut être paisible. Si tout le monde était comme Iggy Pop sur scène. Oui, je pense que. Enfin, peut-être qu'à un moment de sa vie, il était incontrôlable, mais parce qu'il il se mettait beaucoup de choses dans le corps qui le rendaient incontrôlable. Mais je pense qu'à côté de ça, je crois que c'est quelqu'un de très. Très contrôlé. Dans la vie de tous les jours, peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, très. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Wayne Kramer, oui. Qui est quelqu'un de très, très... ouais, discret, presque timide, très calme.